je suis dans le parc, entre les roses, roses trémières et le grand peuplier intact. Le temps peut bien faire des manières, ni l'éclat de ma blancheur, ni mes lèvres closes ne trahissent ma grande pudeur qui dissimule bien des choses. Je suis une statue grecque.